To na salim mukanisa te muzima mujina abon Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tout à ce moment, Dieu au sommet, on est la mungu. Ouvrons nos Bibles dans Esdras. Tout fongule, ma Biblia est tout katika kitabu wa Esdras. Chapitre 7. Notre Dieu, notre Père, nous inclinons nos cœurs devant ta présence. Parce que nous croyons que nous ne valons rien. Nous sommes des pécheurs que toi tu as sauvés par ta grâce. Nous venons à toi cet après-midi avec confiance que tu nous aideras et tu nous parleras pour notre bien. Bénis l'Église tout entière, qui depuis le matin, elle était en prière. Au nom de Jésus-Christ, accorde à chacun de nous ce qu'il a demandé. Bénis ton serviteur que tu as utilisé par les exhortations. Kupitia maonyo pour nous conduire dans la prière. Je vais vous tongoza katika maombi. Maintenant que nous voulons encore passer à une autre partie. Hivi tunapenda kupita mkipande ngine. Soit avec nous Seigneur. Uwe pamoja nasi Bwana. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno litasomewa. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Esdras chapitre 7. Esdras suraki ya saba. Dans son verset 6. Mumusari ya sita. Cet Esdras. Oui, Esdras. Vint de Babylone. Atakuja toka Babeli. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Arkwani mwandishi mwenye kujitolea sana katika sheria ya Musa. Donné par l'Éternel Dieu d'Israël. Ile Mungu Mungu wa milele wa Israeli alileta. Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui. Na vile mkono wa milele Mungu ilikuwa juu yake. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Mfalme akampatia yote ile aliweza kuomba. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'éditer sa parole. Esdras était un serviteur qui était très consacré à la loi de l'Éternel. Quand un homme est consacré aux choses de Dieu. Wakati mtu eko mwenye kujitolea kwa vitu vya Mungu, Dieu exaucera toujours à ses prières. Mungu atakubali wakati wote maombi yake. Parce que Dieu a intérêt. Kwa maana Mungu yuko na faida d'accomplir les vœux de son serviteur. Ya kutimiza viapo vya mtumishi wake. Et Dieu sait que le service c'est son serviteur. Na Mungu anajua kama ile utumishi mtumishi wake. demande toutes choses conformes à sa volonté. Analomba vitu vyote vya kuambatana na mapenzi yake. Et pour l'intérêt de son royaume. Na ni juu ya faida ya ufalme wake. Lorsque Esdras est allé voir le roi, wakati Esdras arenda kumuona mfalme, Dieu toucha le cœur du roi. Mungu akagusa moyo wa mfalme. Et Dieu lui accorda tout ce qui lui était demandé. Na Mungu akampatia yoyote ile aliweza kumuomba. Par l'exaucement de la demande d'Ezra roi. Kwa kukubaliwa kwa ombi ya Ezra kwa mfalme. Comme nous l'avons dit depuis hier, kama vile tulisema tangu jana, qu'on voulait s'attarder un peu sur cet homme de Cyrus. Ya kama tuliweza kupenda kusemea kwa muda mrefu kuhusu huyo mtu Kiro, pour voir cette œuvre grandiose que ce dernier a accompli en faveur de Dieu et en faveur des enfants d'Israël. Ja kuona hii kazi mkubwa huyu mtu aliweza kumtumikia Mungu na kutumikia watoto wa Israeli. L'homme que Dieu avait utilisé pour libérer Israël de la captivité. Mtu ule Mungu aliweza kutumia ja kuweza kutuma uhuru Israeli wenye kuwa mkifungo. Nous avons parlé de comment cet homme est devenu grand roi. Tulisema namna gani huyu mtu alifika mkipuma kuya mfalme mkubwa. Lui qui avait hérité un petit royaume. Ye ule aririti kao ufalme kadogo. Qui occupait le plateau d'Iran. Alikuya muile maviwanja ya Iran. Il était un roi presque sans valeur. Alikuya ni mfalme kidogo mwenye ana na bei tu ya mingi. Parce qu'il y avait les Mèdes. Juu kulikuwa batu ba Medi. Qui dominaient cette région. Bali baritawala ile jimbo. Qui était le seigneur dans cette région. Alikuwa ni babwana ya ile jimbo. Et ils étaient chapeautés par le roi de Babylone. Na baritawaliwa na mfalme wa Babeli. Nous voyons que dans l'accomplissement de cette parole, de cette prophétie d'Isaïe, tuko naona kama mkutimizwa kwa ile unabii ya Isaya, se conforme aussi à ce que Daniel avait vu. Nayo inambatana mzuri mzuri na ile Daniel aliona. En parlant des Mèdes et des Perses, mkusemea kuhusu wa Media na wa Persia, Daniel avait vu le bélier et le bouc. Daniel aliona kondo dume na mbuzi dume. Il avait vu le bélier qui avait des grandes cornes. Aliona kondo dume ule arukana mapembe mbili, dont l'une était plus élevée que la première. Il est mumoja ilikuwa mrefu kupita ingine ya pili. Hier, en parlant du bélier, je voulais parler bélier, mais j'ai parlé douce. Jana, pali pa kusemea juu ya kondo dume. Ceux qui ont écrit l'ours, l'ours à deux cornes, c'était une erreur de langage. C'est le bélier. Bale bariandika kama dubu mwenye kuwa na pembe mbili ilikuwa ni msamee kosefu kwa kusema ni kondo mume. La première corne qui s'était levée, c'était les Mèdes. Il est pembe à kwanza ilikuwa kunyanyurika ni kwa ni watu wa Mèdes. Mais la deuxième corne qui s'était plus élevée que la première, c'était les Perses. Lakini ile pembe ya pili ilinyanyuka sana kupita ya kwanza ilikuwa ni ba Persia. C'est lorsque les Perses se sont révoltés aux Mèdes, ni wakati watu wa Persia walitombokea watu wa Media, et qu'ils ont conquis les Mèdes, et après un certain temps, kisha wakati, Cyrus, unit les Mèdes et les Perses. Kiro akaunganisha Bamedia na Bapersia. Et quelques années plus tard, il se révolte contre Babylone. Na miaka ingine kisha bakamtombokea sasa Babeli. Et il devient le vainqueur de Babylone. Na bakakuwa sasa bashindaji ya Babeli. Et à ce moment-là, Cyrus, apaile wakati Kiro, dominait tous les royaumes de la terre. Akatawala sasa maufalme yote ya dunia. Il fut cette corne qui s'éleva ensuite avant la première corne. Akakuwa sasa ile pembe ilamuka kisha ile pembe ya kwanza. Et rien ne pouvait le résister. Na kukuwa hata mmoja aweza kushindana naye. C'est ainsi que nous avons montré. Jobi tuweza kuonesha. Après que Cyrus soit roi des Perses à Babylone, kisha Kiro anakuwa mfalme wa Persia pale Babeli. Il dominait les Babyloniens et les Juifs qu'il avait trouvés en son sein. Aritawala batu ya Babeli na Bayuda bale arikuta ndani ya Babeli. Après avoir découvert que les Juifs qui étaient à Babylone étaient pris captifs au temps de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Kisha ye kutambua kama bale Bayuda arikuta ndani ya Babeli bari bachukua kama batumwa. C'est ainsi pour accomplir la prophétie de Jérémie. Ni pale kuya ye kutimiza ile unabii ya Yeremia. Il ordonne maintenant à tous les Juifs qui étaient dans son royaume, akamuru bayuda bote barukua ndani ya ufalme wake, qui se reconnaissaient comme serviteur de Jéhovah, bale bale jitambua kuwa batumisha Yehova, de retourner à Jérusalem pour bâtir la maison de Dieu. Barudie pale Yerusalemu ajua kwenda kujenga nyumba ya Mungu. Je pense jusque là tout le monde a bien compris. Mina waja kama kufikia pale kila mmoja anaweza kuelewa. Après que Cyrus ait ordonné le retour des captifs dans leur pays natal, kisha Kiro kuamuru kurudi kwa wafungwa mwinchi yabo ya kuzalikiwa, nous vous avons montré, tulimionesha, que Zorobabel, ya kama Zorobabeli, reçu de la main de Cyrus, akapokea tokea mkono wa Kiro, tous les ustensiles que le roi Nebuchadnezzar avait récupéré du temple de Jérusalem lors de sa destruction. Biombo biote bile mfalme Nebuchadnezzar alibebaka ku Yerusalema wakati baribomola Yerusalema. Et nous avons même dit que pour kama participer à la restauration de la maison de l'Éternel, juu ya kushiriki kukufanywa upya kwa kazi ya wa milele, Cyrus lui-même y avait participé. Kiro na yeye mwenyewe alishiriki kuile kazi. Tout en demandant à tous les voisins qui habitaient à côté de tout Juif qui voulait retourner dans son pays natal de lui donner des offrandes volontaires. Mukuomba bajirani ya bale bayuda, mbele ya bayuda wapate kurudia mwinchi abo kuzalikuwa, baba patie ko mama toleo ya roho yote. C'est ainsi que le premier groupe Anjo pale ile kundi ya kwanza de 42,360 ya elfu makumi ine na pili sous la direction de Zorobabel et de Josué Ayuda benye kuongozwa na Yerubabeli na Yoshua retourné à Jérusalem. Bakarudi pale Yerusalem. Arrivé à Jérusalem, wakati barifika Yerusalem, ils ont commencé par élever l'autel de l'Éternel. Barianja pombele kujengurula mazabau ya wamilele. Les choses sur lesquelles nous reviendrons. Imbintu bile tutarudia potena. Ils ont commencé par restaurer l'adoration avec leur Dieu. Barifika pale mbele kurudisha ibada kuabudu Mungu wabo. Longtemps ils étaient coupés de la présence du Seigneur. Wakati ya mingi baruka benkatwa na uwepo wa milele. C'est ainsi que l'autel fut rebâti. Njo pale mazabahu balijengulula. Et quelques mois plus tard, na miezi ingine kisha, il posait la première pierre du temple bakaweka libu ya kwanza, sur les anciens fondements ya hekalu pa majengo ya zamani. Mais ils n'ont pas fait longtemps. Lakini abakukawie, les travaux s'arrêtèrent. Makazi ikasimamishwa. C'est pourquoi hier nous avons dit. Joko mana jana tulisema, pourquoi les travaux se sont-ils arrêtés? Ni Dieu a nini makazi risimama? Quelles sont les causes? Ni nini ile ifanya qui ont fait que les travaux qui avaient été commencés par les exilés se sont arrêtés? Makazi ile barianza kwa bale bantu baliatoka Babeli kwenda mu inchi ya malako yabo ilishimama. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Il y a eu la réaction négative. Kulikuya kutenda kwa kukombanisha. Des populations restées en place. Kwa bale bantu barubakiaka mwile inchi. Qui ne voulait pas recevoir les nouveaux venants arrivants. Bala bakupende kupokea aba benye kufika sasa. Des pères qui ne reprennent leur terre et leur maison. Jubo bashifike sasa mungipimo ya kubabeba manyumba yabo na mamashamba yabo. Je voulais encore noter quelque chose là-dessus que je n'ai pas dit hier. Nilipenda kuandikisha po kitu kimoya kile mishi kuseme jana. Après qu'Israël soit captif, soit amené captif à Babylone, kisha Israel kuchukuliwa kama mtumwa kule Babeli, il y a eu quelques juifs courageux qui sont restés, comme je l'ai dit hier. Huko Bayuda Yehudari baribakia kama vile nilizosema jana. Il y avait aussi des peuples païens que le roi d'Assyrie et même le roi de Babylone avaient installé dans ce pays pour l'occuper afin qu'il ne demeure pas vide. Kuko tena mataifa ya pagano ile mfalme wa Suria na mfalme wa Babeli bali chukua jua kubaweka mwile inchi bapate kuikala mjuu inchi shibake ya bure. Ces hommes païens bale bantu wa pagano qui avaient été installés par le roi d'Assyrie et le roi de Babylone bale bari wekwa na mfalme wa Suria na mfalme wa Babeli ont occupé les terres des Juifs qui étaient exilés ou qui étaient amenés captifs à Babylone. Bobaribeba biwa mabulongo ya Bayuda bale barienda kule kubufungwa ku Babeli. Et quand les exilés rentraient, na wakati bale bafunga bali mjini, barielewa qu'il allait céder leur terre. Ya kama batabacha sasa mabulongo yabo. Et leur sentiment n'était pas bon envers les exilés qui retournaient. Na mania yabo haikukuye mzuri kukomesha bale bafunga baranza kurudia. C'est pourquoi nous avons donné cet exemple. Joka mana tulileta ile mfano de la confusion qui avait régné pendant la crise entre Katanga et Kasai pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Mwile kuleta mfano ile mvuruko ilifanyikaka wakati ya fujo ya bakatangina bakatangina jumu pate kuelewa mzuri ile mambo. Et en dehors de cela, na inje ya ile, il y avait une lutte entre le pouvoir civil et l'autorité religieuse. Kurikuya bukonzi kukotana katikati ya utawala wa bantu na utawala wa dini. Qui divisait les anciens exilés. Ile enye likabula bale venye bafungu. Et cela n'a pas facilité la reconstruction de la maison de Dieu. Na ile haikufanya kama kujengulula kwa nyumba ya Mungu ipate kufanyika kwa pesa. La troisième grande cause. Na yenye sababu ya tatu yenye mkubwa. C'était ses ennemis. Ni aba badui. Qui accusaient faussement. Baranza kuchongea vya Mungu. Benasa ki vya Mungu. Retournaient comme s'ils se préparaient pour se révolter contre le roi de Perse. Aba funga barirudia ya kuwa beko najitayarisha jua kutombokea mfalme wa Persia. Ils ont accusé faussement ces juifs qui rebâtissaient le temple de l'Éternel. Barishitaki bia bongo aba Yuda barianza kujengulula hekalu ya wa milele. C'est ainsi que la maison de Dieu fut arrêtée. La reconstruction de la maison de Dieu fut arrêtée. Mais avec l'avènement de Darius, sasa mwakati Darius alifika, il y a eu des hommes de Dieu qui ont encouragé. Kulikuwa batu wa Mungu bale baliweza kutia nguvu ces exilés de recommencer la construction. Aba bafungwa benye kurudia juu banzurule kujenga. Il y a eu le prophète Agé, kulikuwa nabii Agai, et le prophète Zacharie. Na nabii Zacharia. Ils sont allés voir les exilés de retour. Bakaenda kuona bafungwa benye kurudia. Pour leur dire, vous n'avez pas le droit de vous décourager. Na kubambia muna na halali ya kulekea. Vous devez recommencer à faire l'œuvre pour laquelle vous avez été envoyé ici. Munapashwa kwanzurula kufanya kazi juu ya ile bali mituma hapa. Mais comme il y avait des ennemis partout, sasa vile kulikuwa maadui fazi yote, ils sont allés voir les exilés qui reconstruisaient le temple de Dieu. Wakaenda kuona wale bafunga barudia juu kujenga nyumba ya Bwana. Na kubambia, qui vous a donné l'autorisation de rebâtir le temple? Ni nani ule alimipatia ruhusa yume kwanza kujengulula hekalu? Les exilés étaient vraiment humbles. Na bafunga wenye kurudi barukwa banyenyekevu. Ils ont répondu, bakajibu, nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Sisi tuko batumisha Mungu aliye hai. C'est avec l'ordre du roi Cyrus que nous sommes rentrés ici pour rebâtir la maison de l'Éternel. Nina ruhusa ya mfalme Kiro tulirudi hapa juu kujenga kazi ya Bwana. C'est ainsi que le gouverneur Jopale Liwali écriva au roi Darius, akamwandikia mfalme Darius, pour qu'il aille vérifier dans les archives du royaume, jubape, bakende kuangalia mvitabu vya ufalme, pour confirmer les allégations de ces captifs qui sont retournés à Jérusalem. Jubapate kuhakikisha kuima semu hii bafungwa barudia ku Yerusalemu waanza kusema. Et lorsque Darius alla consulter les archives, na wakati Darius alienda kuangalia mule mvitabu, effectivement il trouva hakika barikuta banaandika mule un décret que le roi Cyrus, kama kuna sheria mfalme Kiro des Juifs, aruweka saini za kuruhusu Bayuda, les autorisant à retourner dans leur pays, mukubaruhusu barudi muinchi yabo, et à rebâtir la maison de Dieu qui était à Jérusalem. Na bapate kujengulula nyumba ya Mungu ile ilikuwa pale Yerusalema. C'est ainsi qu'avec la confirmation du roi Darius, na njo pale na hakikisho ya mfalme Darius, les travaux du temple recommencèrent. Makazi ya kujengulula hekalu ikaanzulwa sasa. Et nous avons noté la présence du prophète Agé et Zacharie. Na tuliona pale uwepo wa nabii Agai na Zakaria. Pendant leur ministère, wakati ya kutumika kwabo, avait amené le réveil parmi ce peuple. Barileta uamsho katikati ya bale bantu. Et nous avons montré, na tulionesha, comment ce réveil, namna gani ile uamsho, n'a pas évolué, haikuendele, à cause des difficultés, njia magumu, qu'ils avaient rencontré. Ile baliweza kutanishana nayo. Nous vous avons dit ceci. Tulimiambia hivi. Pourquoi ce réveil a eu des difficultés? Janini ile uamsho ilipata magumu. Parmi les captifs qui sont retournés à Jérusalem, katikati ya bale bafungwa bale barudia pale Yerusalem, certains d'entre eux, pamoja katikati yao, avaient laissé des femmes, leurs femmes à Babylone. Bareacha babibiabo kule Babeli. Et arrivés en Juda, Wakati barifika pale Yuda, ils épousèrent les femmes païennes. Bakaoa babibi papagano. Et en épousant les femmes païennes, na mukoa babibi papagano, ils introduisirent l'idolâtrie dans la vie du peuple d'Israël qui était rentré pour adorer le Seigneur. Bakaingiza kuabudu kwa sanamu mu maisha ya batoto ba Israeli bale barudia jo babudu Mungu wabo. Ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient retournés. Abakuelewa basi juu ya nini barirudi. C'était de réelles difficultés. Ilikuwa ni magumu ya kweli. Nous avons beaucoup insisté là-dessus, c'est sur cette pensée-là où nous sommes arrêtés. Tulisema ya mingi pa ile fazi na ni pa ile wazo ndio tuliachana jana. Si vous regardez, kama munaona, c'est la même cause qui les avait amenés en captivité. Ni paka ile sababu moja moja ndio ile baleta mkutumwa. Ils retournent après 70 années. Kisha miaka 70, ils retombent dans la même erreur. Banarudia paka mwile kosa moja moja ile. Nous vous avons montré pourquoi certains juifs avaient refusé de retourner en Israël. Juu ya nini bayuda bengine barikatala kurudia pale Israeli. Une partie d'entre eux s'était déjà stabilisée dans le pays où ils étaient amenés captifs. Kipande yabo barikuwa baisha kuwa na ustare mwile inchi baribebwa kama batumwa. Ils ne voulaient pas affronter les difficultés dans le nouveau pays qui était déjà détruit. Aba kupende bende baka kuchambuliwe sasa nile magumu ya mwinchi ya sasa mwile bananza kurudia. Parmi eux, katikati yao, certains pamoja voulaient rester dans la stabilité sociale dans le pays étranger. Baripenda babakie mwile ustare wa kimwili mule mwincha kigeni mule barienda. Néanmoins, tout en finançant les travaux qui se faisaient à Jérusalem. Lakini mwile wakati beko natuma feza yabo juu ya kushimamisha ile makazi pale kufanyika ku Jerusalem. À Jérusalem comme des simples pèlerins. Na kwa bobo banzo kuenda ku Jerusalem saba enda kutembea saba tembezi. Jusqu'à ce jour, quand je vous parle, il y a des juifs qui se comportent de cette manière. Ils sont dans les pays, dans d'autres nations. Vous les trouvez en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en France, en France, en Allemagne, en Allemagne. Vous les trouvez même en Russie. Les autres sont même ici au Congo, en Zambie. Ils sont un peu éparpillés partout. Ils restent en dehors d'Israël. Ils travaillent dans leurs activités. Ils payent les impôts en Israël. Ils soutiennent les exilés qui sont rentrés. Ils peuvent aller en Israël comme des visiteurs. Mais ils habitent dans les pays de la nation où ils se sont stabilisés. Alors, ils ne veulent pas affronter les difficultés du pays. C'est vrai. Il y a beaucoup de juifs qui restent en dehors d'Israël, qui versent beaucoup d'argent à Israël. Mais vous voyez, leurs conditions étaient compliquées. Comme je l'expliquais hier. Quand vous voulez vous installer quelque part, attendez-vous à rencontrer beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas toujours facile de les affronter. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple des frères et beaucoup de gens qui sont rentrés au Kasaï, qui ont laissé des femmes ici. na bantu ba mingi bale barudia kule kwa sai bare acha ba bibi yabo huku. Les femmes se sont mariées ici. Ba bibi yabo bare olewa huku. Eh, ils sont partis au Kasai, ils ont marié là-bas. Na bo barenda kule kwa sai banaoa kule. Les autres sont restés ici. Bengi na bo bare bakia huku. Ils ont envoyé les femmes au Kasai. Bare batuma ba bibi yabo kule kwa sai. Ils se sont mariés ici. Bo bana bakia banaoa huku. Les autres se sont mariés là-bas. Na ba bibi na bo bana baoa kule. C'était de la confusion. Na ile ilikuwa ni mvuruko sana. Pourquoi nous avons dit hier? Yo kwa maana tulisema jana. Il ne faut jamais le faire. Aipashe kufanya ile hata siku moja. Zaidi mwenye kwa Mkristo. Vous rencontrez un moment de difficulté. Wakati mnafika wakati ya magumu. Reste avec ta femme. Bakia na bibi yako pembeni yako. Souffrez avec elle et avec vos enfants. Pamoja na watoto wenu. Attendez le moment favorable de Dieu. Na mchunge wakati mzuri Mungu atakusaidia. Où le Seigneur viendra te consoler. Ile Mungu atakuwa kumifariji. Et vous femmes n'acceptez jamais we, bibu, shichike, kamo, de vous eh? Séparer de vos maris na babwana, à cause des difficultés. Restez souffrir avec ton mari bakia uteswe, jusqu'à ya bwana yako, que Dieu vous ouvre sa main mpaka wakati ile Mungu atamikunulia mkono wake de la bénédiction de l'Éternel na mutafarijiwa na mabaraka ya wa milele. Vous voyez. Munaona. Les Juifs qui sont rentrés, comme nous l'avons montré, bale, barudia, paka vile turionesha, ils n'avaient pas une sécurité garantie. Ava kukuye, na ukingo, ya nous avons dit hier, turionesha jana, au temps du roi Asterius, ya kama wakati ya mfalme Asuero, dans les livres d'Esther, mukitabu ya Esther, vous verrez cette insécurité. Mutaona ile kukosa ukingo. Les Juifs n'étaient pas appréciés. Bayuda bakubafurahiwa. Ils avaient des ennemis qui voulaient les massacrer. Barukwa na badui baripenda kubaua. Même l'intervention de la reine Esther. Hata pale Malkia Esther aliweza kubasemea. En témoigne. Inashuhudia. Vous voyez bien mes frères. Munaona banduku bapendwa. Il y avait des difficultés qu'il fallait affronter. Barukwa magumu ile baripasha kutanishana kumbanisha. Ils étaient en danger. Barukwa katika hatari. Mais il devait affronter cela. Lakini baripasha kutanishana na ile. Un homme est suscité pour une mission divine. Kama mtu anachimamishwa juu ya kufanya kazi ya Mungu. Il ne doit pas craindre les difficultés à affronter. Ye, hawezi kuongopa ile magumu atakutanishana nayo munjia yake. Il doit se tenir sur les promesses de Dieu. Anapaswa yeye kushimamia pamalako ya Mungu. Il doit compter sur Dieu en toutes choses. Anapaswa kutumainia Mungu mu mambo yote. Il aura du succès dans ce qu'il fait. Na yeye atapata ushindi mule anafanya. Ils ne sont pas rentrés d'eux-mêmes. Aba kurudie pabo benyewe. Ils sont rentrés sur l'ordre de Dieu tout puissant. Barudia ni kwa mpango ruhusa ya Mungu wa uwezo yote. Et Dieu, vous verrez dans toute l'histoire d'Israël. Na Mungu mutaona mwadisi yote ya Israeli. Même au temps d'Esther. Hata mwakati ya Esteri. Dieu est intervenu. Mungu ye aliingilia mwile mambo. A pour sauver sa race. Jua kuya apate kuokola taifa yake. À la grande confusion de tous les ennemis qui voulaient massacrer les Juifs. Na ileta haya kubale baadui bote baripenda kuua Bayuda. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Et après cette autorisation. Na kisha ile kuleta ruhusa du roi Darius, ya mfalme Darius, la maison de l'Éternel fut reconstruite. Nyumba ya wa milele bakaijenga. Et cela s'acheva plus rapidement. Na ikamalizika kwa wepesi. Elle fut dédiée. Na bakaitolea. Et même la Pâque fut célébrée. Na Pasaka bakaweza kuiandamia. Mais observez une chose. Sasa muone la pensée. Inapenda nimalize wazo, muone kitu fulani. Ezra le scribe et le sacrificateur. Ezra huyu mwandishi na mkuhani n'était pas dans la première expédition. Ashikuye mwile kundi ya kwanza abantu bale barienda ku Yerusalem. Des Juifs rentrés dans le pays. Bayuda bale barudia katika inchi hapo. Il était resté à côté du roi. Yari bakia kando kando ya mfalme pale Babeli. Pour le servir. Ya kumtumikia. Mais après la construction de la maison, na kisha kujenga nyumba ya Bwana, il fut envoyé. akatumwa pour aller aider ceux qui étaient retournés. Ja kwenda kusaidia bale barirudi. Ces gens avaient déjà oublié la loi de leur Dieu. Bale bantu barirudi barukaba cyo kusabu sheria ya Mungu wabo. Dieu a fait en sorte que qu'on libère Ezra pour qu'il descende à Jérusalem pour aider ses frères. Mungu alifanya Mungu alifanya mnamna ya bapate kumruhusu Ezra arudie pale Yerusalemu asaidie banduku yake mita kudiria pale. Dans l'exercice de son ministère. Mungu tumika mutumishi wake. La Judée était une province qui était attachée au royaume des Perses. Inchi ya Yuda ilikuwa ni jimbo ile ilikuwa ya kuambatanisha na ufalme wa Persia. Et les Juifs y habitaient. Na Bayuda baranza kukala mwile nchi. Avec le décret du roi Artaxerxès. Na sheria. Ce sont des noms très compliqués. Ya mufalme Arsuero. Artaxerxès. Ok. C'est très compliqué. Vous pouvez lire cela dans Ezra chapitre 7 verset 1. Mutasoma ile mu Ezra sura ya kwanza mstari wa 7. Donc ce roi de Perse. Sura ya 7 mstari wa kwanza, mfalme wa Persia permet maintenant à Ezra d'aller à Jérusalem. Anaruhusu sasa Ezra ende pale Yerusalem dans le but de reconstituer la nation juive. Afike mkipimo sasa ya kukusanisha taifa ya Wayuda. Ezra le scribe et le sacrificateur. Ezra mwandishi na mkuhani avait toute la confiance du roi. Alikuwa na tumaini yote ya mfalme. Le roi ne pouvait pas croire qu'Ezra pouvait faire du mal à son royaume. Mfalme hakuwezi kuamini hata siku moja kama Ezra anaweza kufanya kibaya kwa taifa yake. Kufalme wake. Et lorsque Ezra est allé à Jérusalem, na wakati Ezra alienda pale Yerusalemu, c'est lui qui donna l'identité à ce peuple d'Israël qui était retourné de la captivité. Ni yule ndio alipatia kitambulisho ya wale watu wa Israeli barudia tokea mubutumwa. Ezra voulait rétablir de l'ordre. Ezra aripenda kurudisha usawa. Parce que ce peuple vivait dans des désordres. Jubale bantu baranza kuishi mufujo. Il allait là pour leur enseigner la loi de Dieu parce qu'il était un scribe. Aranza kwenda pale abafundishe sheria ya Mungu kwa maana yeye alikuwa ni mwandishi. Comme j'y reviendrai. Parce que c'était sa mission première. Mais lorsque Ezra arrive sur le terrain, il trouve effectivement ses frères dans un désordre total. Bien que le temple de Dieu était déjà construit. Hata vile ekalu ya Mungu barukabasha kujengulula. Il fut confronté à un problème très grave du mariage mixte dans lequel ses frères s'étaient déjà plongés. Akakuta mambo mwa mkubwa sana ndoa ya mchanga mule banduku yake barukabasha jitumbukiza. Ils avaient déjà pris des femmes étrangères. Barukabasha kuoa babibi ba kigeni. Et l'idolâtrie s'installait déjà. Na kuabudu kwa sanamu kurianza kwanza kutawarika mule. C'était difficile. Ilikuwa kigumu sana. C'était compliqué. Ilikuwa fujo. Il ne pouvait pas comprendre. Hakuwezi kuelewa. Que ses frères agissent de cette manière. Na kama banduku yake batende mule namna. Et pourtant, la première mission pour laquelle ils étaient retournés, c'était l'adoration. Na isipokuwa kile kipukizio kwanza kile barudiria ilikuwa ni juu ya ibada kwanza kuabudu. Mais il rentre. Sasa banarudi. Mais ils ne font pas cela. Abafanye ile. Il se plonge dans l'idolâtrie. Banajitumbukiza mukwabudu sanamu. Il brise la loi de Dieu. Banavunja sheria wa milele. Il prend des femmes étrangères. Benabeba babibi bakigeni. Parce que les leurs étaient restés à Babylone. Juba bibi yabo baribakia pale Babeli. C'était de la confusion. Ile ikakuwa mvurugu. Assisté par Némi. Na mwenye kusaidiwa na Nehemia, liwali. Némi convoqua tout le peuple. Nehemia akakusanisha bantu bote. Et là à Jérusalem, na pale Yerusalema, il dénonça leur péché. Bakakiri waziwazi zambi yabo. Et exigea aux exilés na bakalazimisha bale bafungwa bote barudia la repentance pour qu'ils soient en ordre avec le Seigneur. Toba juba kuye musawa na Bwana. Parce qu'il n'était plus en ordre avec Dieu. Kwa maana bakukwe katika usawa na Mungu. Ezra ne s'occupait pas d'autres choses, il s'occupait de leur foi. Ezra ashikuangalie mambo mengine, mambo yake ilikuwa ni imani yao. Mais ils ont oublié leur mission, comme nous le verrons plus tard. Arisabu kifukushiwa safari yabo paka vile tutaiona mashiku ijayo. Ezra leur dit, Ezra kawambia, vous avez péché contre Dieu. Mulitendea zambi Mungu. Vous avez brisé sa loi. Mulivunja sheria yake. En allant prendre les femmes étrangères. Mukwenda kubeba babibi mu mataifa ya kigeni. Vous n'êtes pas en ordre avec le Seigneur. Amuna katika usawa na Bwana. Et vous devez vous repentir. Na munapashwa kutubu. C'est ce qu'ils firent. Na njo kile barifanya. Et dans cette réunion qui s'est tenue à Jérusalem. Na mwile mkusanyiko ilifanyika pale Yerusalema. Il prit des décisions très graves à l'égard de leurs frères. Bakabeba mipango ya nguvu kuangalia banduku yabo. Premièrement, kya kwanza. Ils engagèrent leurs frères. Bakalazimisha banduku yabo. À se séparer sans condition des femmes étrangères qu'ils avaient épousées. Bapate kutengana bila sababu au kuleta gizo ingine kubale babibi barenda kubeba bakigeni. C'était une résolution ferme. Il croit ni mon pango ya nguvu. Deuxièmement, ya pire. Comme la vie était difficile, je vous promets que j'y reviendrai. Mina milaka kama mimi tarudi hapo. Vile maisha ilikuwa mgumu. Maisha ilikuwa ya mgumu. Leur frère, banduku yabo. Qui semblait avoir un peu d'argent. Bale baranzo konekana saa beko ko na feza. Traité ses frères, leurs frères. Baranza kutendea banduku yabo. Donc, les Juifs qui avaient suffisamment de moyens. Bale ba Yuda barukwa kona namna. Traitaient leurs frères comme leurs esclaves. Baranza kutendea banduku yabo ba Yuda bengine kama vile batumwa yabo. Il est prêté par intérêt. Baranza kubakopesha. Juba pachepo na intérêt. Et ils tenaient leurs frères sous la domination. Nabari tisha banduku yabo mutawala. Vous savez quand quelqu'un est en difficulté, il ne manque pas de moyens. Munayo akama wakati mutu eko mumagumu na ana na namna. Il est prêt à tout faire. Eko tayari kufanya vyote. Parce qu'il doit survivre. Jua anapasha kuishi. Chaque travail qui lui est présenté, il est obligé de le faire. Kazi yote ile watamuletea, analazimisha kuifanya. Mais quand Ezra voit ça, na wakati Ezra aliona ile, il voit de la méchanceté, anaona bubaya, dans ces grands juifs, ndani ya bale bayuda bakubwa, qui traitaient méchamment leurs frères, baranza kutendea na ukali, mubaya sana banduku yabo, que Naomi, que Némi avait convoqué, mwile mkusanyiko ile Némi alikusanisha, il reprit leurs frères et leur dit, akakemea bale banduku yabo na kubambia, vous n'êtes pas correct, amuna katika usawa. Trouvez-vous normal de traiter vos propres frères qui viennent de la captivité benye bafungwa banarudia comme des esclaves. Unabatenda kama vile wanakuwa watumwa. Dieu les a libérés de la souffrance. Mungu anabatia uhuru kutoka kwa mateso. Pour qu'ils soient, qu'ils se sentent libres chez eux. Juba kuye sasa uhuru katikati ya nchi yabo. Et vous, à cause de votre argent, na mwe jua feza yenu, vous les avez encore pris comme esclaves. Unabachukua tena makwesa batumwa yenu. Alarisez devant tous ces païens. Banakuwa kitu kia kuchekelea mbapagano bote hapo. Non, vous devez abandonner cela. Apana, munapasha kuwacha ile namna kutenda. Celui qui a prêté à son frère par intérêt, ule yoyote alipatia pesa, abandonne ses intérêts. Alipatia nduku yake asema atapatia muna faida, aache ile faida hii. Et qu'il abandonne même ce qui lui avait prêté. Na muachilie na ile yenye alimkongopesha. C'était des mesures très fortes. Ilikuwa ni mipango ya nguvu. Il devait faire la remise. Baripasha kuachilia. À leur frère. Kubanduku yao. Qu'il leur avait prêté. Kubile biote bari bakongosha. Parce que ce n'était pas juste. Kwa maana haikukua haki. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. C'est vrai ma sœur. Kweli dada yangu. La Bible refuse cela. Biblia inakatala ile mambo. Je m'arrête un peu. Mina shimamia mbele pale. La Bible refuse. Biblia inakatala. À un chrétien. Kwa mu Kristo. De traiter son frère. Ya kutendea nduku yake. Comme un esclave. Kama vile mtumwa. Lorsqu'ils travaillent ensemble. Wakati bena tumika pamoja. La Bible refuse. Biblia inakatala. De donner un travail d'un esclave. Ya kupacha kazi ya mutumwa. À son frère. Kwa nduku yako anze kuitumika. Non frère. Apana nduku. Quand Dieu te bénit. Wakati Mungu anakubariki. Et que vous avez suffisamment de moyens. Na uko na namna mingi. Pour employer quelques hommes à ton service. Jua we upate kuchukua bantu banze kutumikia kwa kazi yako. Donner un travail ou des travaux honorables à vos frères. Leta makazi ya heshima kuweza kuheshimisha kwa banduku yako. Parce que ce sont des honorables et des fils de Dieu, des filles de Dieu. Jua ni baheshimiwa ba binti na batoto ya Mungu. Et prenez le travail que vous voyez un peu plus vil, donnez cela aux païens. Hein. Na ile makazi uko naona sasa kufezeresha, uipache mapagano. Et donnez à vos frères un salaire honorable. Na upache banduku yako mshahara ya kuheshimisha. Pour qu'ils vivent avec toi, et qui vivent à côté de toi, tu vas pas te coucher quand on doit y aller. Dans ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Mouille baraka ile Mungu anakubariki. C'est très important. Hii ni ya mafa. Ne donnez jamais aux frères. Mushipatie kamwe ku banduku yenu. Un travail d'esclave. Kazi ya kitumwa. Quand vous travaillez avec un frère. Kama unatumika na ndugu. Vous devez l'avantager. Unapasha kumupatia kwa mafaida. Parce que c'est votre frère. Juye ni ndugu yako. Qui est à votre service. Mwenye kukutumikia. Il priera ton Dieu. Ataomba Mungu wako. Il priera à son Dieu. Ataomba Mungu wake. De vous bénir. Wa kubariki. Il vous bénira. Na ye atakubariki. Mais un païen. Sasa mpagani. Il va prier pour toi comme. Atakuombea weje. Il va demander quelle bénédiction. Ataomba baraka kani kwako. Parce qu'il n'a même pas, il n'a pas de Dieu. Lui mwenye ana na Mungu. Quand toi tu lui paies son salaire. Wakati uko namupatia mshahara yake. Lui il va louer. Yeah, nenda. Il va louer les idoles, les démons. Yeah, nenda kuabudu masanamu. Le salaire que tu lui donnes c'est pour fumer. Il est mshahara unampatia ni kufuta. C'est pour donner aux prostituées. Na kwenda kunya na kupatia bandumba. Il amène la malédiction dans tes activités. Yeah, na leta alana mumakaji hapo. Mais un frère ou une sœur. Lakini nduku au dada. Pour vous. Atakuombea Mungu. Pour que Dieu te bénisse. Dieu Mungu akubariki. Afin qu'il vive par votre bénédiction. Dieu aanze kuishi kupitia baraka yako. Par la bénédiction que vous avez. Ni baraka ile unapata. Et la bénédiction de Dieu. Ni baraka ya Mungu. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Quand vous lisez Néhémie 5. Je vous ai promis que je ne lis pas encore. Je vais commencer. Néhémie là, quand même, je suis sana. Mitanza kusoma. Kusoma mon Néhémie sur la tano. Vous verrez les questions. Mutaona maswali. Compose à ces hommes. Ile baranza kuswali bale bantu. Comment vous arrivez à traiter vos frères de cette manière? Je munafika mkutendea bantu kwenu mwinamna. On mépris vis-à-vis des païens. Mukuzaraliwa mbele ya bapagano. Non frère. Hapana bantu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. C'est pourquoi vous aussi. Ndoka maana nanyi vile vile. Ne le faites pas. Mushifanye. Traitez honorablement vos frères. Mutende na heshima bantu kwenu. Voyez bien mes frères. Mwana bantu bapendwa. Voyez bien mes sœurs. Badada bapendwa. Vous avez un frère. Uko na ndugu. Vous travaillez avec un frère. On a tombé quand un. Quand le frère part. Comment un duco anenda. Vous sœurs, vous prenez vos slips. Oui, dada, on avait pas ma slips yak. Vous les donnez au frère pour les nettoyer. On avait pas ma slips yak. Je n'en ai pas tiré un duco. Anzo kuifula. Non, ça c'est un mépris. Il est ni kumkosea ishima. Vous ne respectez pas le frère. Amu ishimia ulenduko. C'est un fils de Dieu. Chini mutoto wa Mungu. C'est aussi un responsable. Chinaye kona madaraka. C'est un chef, il a aussi sa femme comme Chinaye ekona bibi sawe. Voyez bien mes frères. Una banduku bapenda. Si Dieu lui avait donné des moyens, kama il l'aurait épousé. Kama Mungu alimpachaka namna, shange kuoa we. Si il était son ton chef, tu l'aurais traité comme tu le fais. Kama alikuwa chef yako, ungemtendea paka vile unafanya. Est-ce que ton mari, est-ce que vous remettez de vos slips à ton mari pour le nettoyer? Oui, dada, unapachaka masilipi yako bwana kuanza kuifula. On doit avoir de la pudeur. On n'a pas quoi na heshima. On doit avoir du respect. On pas quoi na heshima. Même si vous avez une sœur. Atakamu kona dada. Qui travaille pour vous. Ena mitumiki. Faut lui laisser le slip du frère. Awezi kumwachia maslip ya bwanako. Nettoyez ça vous-même. Wewe mwenye dada. Usampiche maslip ya bwanako. Faut pas les donner à une sœur qui travaille pour vous. Awezi kumpachia ile maslip ule dada na kutumikia. C'est une humiliation. Ile ni kumfezeresha. C'est une chose qu'on ne peut pas faire. Je pense que vous comprenez cela. Et Ezra est arrivé. Na Ezra kafika. Il devait convaincre les riches. Aripashwa kubambia bale batajiri. À ne pas traiter leurs frères comme des esclaves. Je vais tendre bandouka comme un vile bâton. La remise de dette. Na kubambia baba chilire mandeni barukwa nayo. Et troisièmement. Na kiatat. Il devait rétablir le culte. Aripasha kurudisha ibada. Il devait dire à leurs frères. Aripasha kubambia bandouka yabo. Que la mission première pour laquelle vous êtes ici. Ya kama kazi yenye kifukuzia kwanza ile mlikuia hapa. Retourner dans la communion avec le Seigneur. Murudie mushiriki pamoja na Bwana. Ezra s'occupait plus de la vie spirituelle des exilés qui sont retournés dans leur pays. Ezra ariangaikia sana maisha ya kiroho ya bale bafungwa barudia pale Israeli. Vous avez rétabli l'hôtel. Akasema, ni mzuri munarudisha madhabahu. Le temple est reconstruit. Ekalu inajengululu. C'est ça le moment favorable. Sasa ndio wakati ya kufai. D'avoir des relations profondes avec Dieu. Ya kuwa na upatanisho wa upana sana na Mungu. Au lieu de vous lancer. Ali pamwe kujitumbukiza. Dans la recherche de l'argent. Mumambo kutafuta feza. Au lieu de vous lancer. Ali pa kujitumbukiza. Dans les compromissions avec les femmes païennes. Mumambo ya kuishi na babibi papagano. C'est le moment favorable de vous consacrer à la parole. Hii ndio wakati ya kufaa kujitolea kuneno. Comme nous allons le montrer. Vous voyez bien mes frères. On a bandu kubapendwa. Ils réveillaient leur conscience. Aranza kula musha zamiri yabo. Si vous voyez dans les quatre, dans les trois expéditions. Joka mana munaona muile masafari tatu. Vous voyez la première expédition. Ile kunja kwanza lisafiri. C'était pour bâtir les temples. Barenda ni jua kujenga hekalu. La deuxième expédition, Unde ya pili, c'était pour instruire le peuple ni juu ya kufundisha taifa, dans la loi de Dieu. Mushiria ya Mungu. Et la troisième expédition, na ya tatu, c'était pour la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ilikuwa sasa ni juu ya kujengulula muja Yerusalemu mshisabu hili. Voyez bien mes frères. Kuna wandugu wapendwa. Voyez bien mes sœurs. Badada wapendwa. Souvent c'est ce que les gens font. Wakati ya mingi ni njo ile bantu banafanyaka. Même nous aujourd'hui. Hata sisi leo. Pourquoi nos églises n'évoluent pas? Dieu a nini makanisa yetu aiendelee tena? Kama vile ilipaswa kuendelea. C'est toujours les reins. Ni paka kosa moya moya ile. Des frères et des sœurs. Ya badada na bandu. Qui ont quitté la dénomination avec l'intention de venir se consacrer dans le message, se préparer dans le message en vue de l'enlèvement. Mais les mêmes gens qui sont venus pour se préparer pour l'enlèvement, étant dans le message, ils commencent à se comporter comme les païens. Ils commencent à retourner dans les mêmes choses qu'ils avaient abandonnées. C'est ce qui refroidit notre vie spirituelle. C'est ce qui éteint le réveil. Amsho. C'est ce qui fait que Dieu Mungu ne peut pas se manifester à cause du comportement négatif des gens qui sont retournés dans la parole, des gens qui viennent dans la parole après avoir quitté les dénominations. L'histoire se répète. Adis, iko najifanya tena kwa upya. Les gens agissent toujours. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Ceux qui viennent se préparer. Au lieu premièrement. Qu'ils cherchent le salut. Qu'ils cherchent la vie sanctifiée. Qu'ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Mais quand ils viennent au message. Ils abandonnent leurs objectifs. Ils commencent à chercher. La stabilité sociale. Une chose sur laquelle je reviendrai encore. C'est ça la plus grosse erreur. Les autres pensent plus au mariage comme une question de vie et de mort. Ils négligent leur propre salut. Ils négligent leur propre âme. Elles sont prêtes à se compromettre. Ils sont prêts à se compromettre. Ils deviennent désobéissants. Ils n'ont pas de moyens pour se marier. Ils veulent maintenant se compromettre. Elles veulent se faire épouser par les païens parce que le mariage est tard. Et ils font des compromis. Les autres viennent. En voyant les difficultés de la vie, ils oublient leurs objectifs. Ils commencent à travailler durement comme des chevaux sans intelligence. Ils oublient les objectifs. Ils veulent être riches dans le message. Ils veulent stabiliser leur vie dans le message. Et ils tombent exactement dans le pied de l'ennemi. Au lieu de s'occuper de leurs âmes, vous voyez, ils commencent à s'occuper de leur chair. C'est la même erreur que les exilés qui sont retournés à Jérusalem ont commis, comme nous le verrons. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs. Mais quand nous revenons au Seigneur, nous retournons à Dieu. Lorsque nous retournons à Dieu, nous devons nous préoccuper premièrement du salut de notre âme. Kwanza Dieu a okovu ya nafsi yetu. Aussi longtemps que notre âme n'est pas sauvée, nous ne devons pas avoir de réponse que le mariage soit secondaire. Que la stabilité sociale soit secondaire. Que la construction de maisons soit secondaire. Que le travail soit secondaire. Que toutes sortes de bénédictions matérielles financière, ikwe ya kiuchumi, social, ikwe ya watu ya kukala, parce que notre engagement avec Dieu, juu, mambo yetu na Mungu, c'est premièrement le salut de mapatano yetu na Mungu, kia kwanza ni okovu ya nafsi yetu, eti kanisa Mungu pamoja na mie. Vous voyez la mission d'Ezra. Munona, il est quasi à Ezra. Il avait une très grande mission. Alors, on a quasi à nguvu sana. C'est vrai. Il faut comprendre cela. Unapasha kuelewa ile. Si vous ne comprenez pas cela, kama muelewe ile, vous serez en difficulté. Mutakuwa katika magumu. Maintenant, écoutez avant de finir. Sasa msikilize mbele ya chikumalizi. Il ne faut pas s'embrouiller. Aipashe kuvurushwa. Regardez depuis que nous avons commencé. Mwone tangu pale tulianza. Comment nous évoluons? Vile tuko na tembe. Nous avons commencé Turianza avec le royaume de le royaume de Salomon. Kusemea kuhusu ufalme wa Solomon qui était premièrement uni. Ile ilikuwa yenye kuungana. Le royaume d'Israël était uni. Ufalme wa Israeli ilikuwa kuungana moja. La mort de Salomon. Na kisha luf le royaume s'est divisé en deux. Ufalme kakabulana, ufalme mbili. Il y a eu le royaume de Juda. Kukakuwa ufalme wa Juda. Et le royaume d'Israël. Na ufalme wa Israël. Nous avons étudié. Tulifunda. Nous avons pris quelques exemples. Tulibeba kwa mifano fulani. Dans les deux royaumes. Mwile ufalme mbili. Comment? Juu ya kuona namna gani. On commence. Ima ufalme ilianza. Quel a été leur apogée? Ni namna kani erifika. Ufalme ya juu na vile bali yangu. Et nous avons pris le royaume de Juda. Na tulibeba ufalme wa Juda. Pour montrer comment. Na kuonesha namna gani? Comment? Namna gani? Ce royaume est tombé. Ufalme ilianguka. Dans l'idolâtrie. Ilianguka katika kuabudu sanamu. Comment il a abandonné Dieu? Vile iliacha Mungu. Jusqu'à ce que. Kufika mkitimo ya. Est venu. Yeremia akakuja. Et Dieu a prophétisé. Na Mungu akatabiri. Les 70 années de la captivité. Ile miaka 70 ya kufungwa kule ku Babeli. Tuliona namna gani. Nebukadnezar a été utilisé par Dieu. Falme Nebukadnezar, Mungu alimtumia. Pour amener Israël en captivité. Ya kwa kuchukua Israeli na kwenda nayo katika ufungwa. Na Yuda yote. Nous sommes allés en captivité na tunenda nabo mufungwa. Mais nous avons vécu en captivité na avec nabo na Israeli mufungwa. Na tulionesha comment ils ont vécu. Namna kani barishi. Nous avons parlé tulisemea kuhusu de quatre amis de les trois amis de Daniel. Yao barafiki tatu ba Danieli. Nous avons parlé de Daniel. Tulisema juu ya Daniel. Nous avons parlé de tout ce qui s'est passé dans ce royaume. Mais mambo yote ilifanyika mwile ufalme ile. Avec le son de Nebukadnezar. Avec les visions de Daniel. Na onyo ya Nebukadneza na maonyo ya Danieli. Et à partir de la vision de Daniel. Na kwa njia pa ile onyo ya Danieli. Il était déjà à Babylone. Wakati ile alikuwa eko mule mbabeli. Il avait déjà fait 68 ans. Alikuwa acha kufanya miaka 68 na taifa yake. Il lui restait que 2 ans. Na pale kulimbakilia tu miaka 2. Nous avons montré comment la vision est venue. Tuliona namna gani onyo ilikuja. Na namna gani Mungu alikuwa kumfunulia le plan du salut d'Israël, mapu ya wokovu ya Israeli, et tout ce qui se passerait dans l'humanité, na ile itafanyika katika mataifa. Et nous avons montré maintenant comment, na tulionesha namna gani, les 2 ans se sont achevés, ile miaka 2 imalizika, et Cyrus est venu le roi de Perse, na Kiro akakuja mfalme wa Persia, et il a ordonné à Israël, na iye akamuru Israeli, de retourner, papate kurudi, dans le pays natal, muinchi yabo ya kuzaliwa, pour la reconstruction du temple. Apate kujengula sasa hekalu. Et nous voyons maintenant. Na sasa tuko naona. Ma Israel est rentré. Namna kani Israel anarudia. Mwinchi yake. Quel est notre objectif? Kifukusho kietu. Ni nini mukonesha ni mabintu vyote vile. Tunapenda kumifikisha. Là où a commencé. Kipimo ile pale parianjia. Ile miaka. Jusqu'à maintenant. Kufika na hapa. Les 70 semaines de Daniel n'ont pas encore commencé. Ile miaka ile majuma 70 ya Daniel. Yo bado kwanza. Est-ce que l'église est avec moi? Et kanisa iko pamoja na mimi. Jusqu'à maintenant. Kufika na hapa. Les 70 semaines n'ont pas encore commencé de Daniel. Majuma 70 ya Daniel yo bado kwanza. Maintenant, nous sommes en Israël. Sasa tuko pale Israeli. Nous parlons, nous avons parlé de ce qui s'est passé pendant cette période. Tulimwambia mambo kani ilifanyika mwili kipande. Et nous voulons un peu nous attarder. Sasa tunapenda kukawia pale. Ah, c'est ce qui s'est passé lorsque Israël est rentré. Kusemea mambo kani ilifanyika wakati Israeli alirudia. Je m'attarde là. Jua nini mimi nakawia kusema pale. Pour nous aider maintenant nous. Ni juu ya shi tupate kujisaidia shi wenyewe sasa. Ni bale turiamini ujumbe wakati ya mwisho. Ni bale tulitoka mumaji. Ni sore tourner maintenant dans la parole. Mazebu tunarudia muneno. Avec le message du temps de la fin. Na ujumbe wakati ya mwisho. Le message de la restauration de toutes choses. Ujumbe wa kurudisha kwa vitu vyote. Pour éviter les erreurs. Juu tupate kuepuka ile makosa. A commis. Ile Israeli iliweza kukosa. Il est retourné à Jérusalem. Wakati arudia pale Yerusalemu. Ce qui est vrai. Kenye kwa kia kweli. Cette reconstruction. Ile kujengulula. Que nous voyons ici. Itu kuna ona. Au retour de juste. Mukurudi kwa Bayuda. Après la prophétie de Jérémie. Kisha unabi wa Yeremia. Est une ombre. Ile ni kivuli. Annoncer la véritable restauration. Irianza kutangaza kurudisha kwa kweli. Qui aura lieu. Ile itafanyika après l'enfant de l'épouse. Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Ce que Daniel avait prophétisé. Ile Daniel alitabiri. Ils ont vécu presque l'ombre de ce qu'ils vivraient aussi en réalité. Bariishi kivuli ya ile bataishi mukweli. Voyez bien mes frères. Unaona banduku bapendwa na badada. Le retour dans le pays natal. Kurudi kwabo kwa nchi ndani ya nchi ya Malawi. Une grande importance. Iko na mafaa sana. Même n'avait pas compris. Bo benya bakuelewe ile. Ils sont retombés dans les mêmes pièges de l'ennemi. Bakanguka mwile mteko moya moya ya adui. Et ils furent encore dispersés. Na bakazambarishwa tena. C'est pourquoi nous y allons petit à petit. Ndoka mana tu nenda atua kwa atua. Pour que vous compreniez. Je m'opate kuelewa. Là où on voit que vous n'avez pas compris. Pale tu unafika mkipunga kutambua kama amukuelewe mzuri. Nous sommes obligés de retourner comme par Dieu. Tunalazimishwa. Turudie potena kama vile munaniona leo mimi narudiria pale tulisema jana. Avant d'avancer. Mbele ya kupata kusonga mbele. Pour que vous compreniez. Je m'opate kuelewa. Comment s'accompliront aussi namna gani tatimizwa les 70 semaines de Daniel. Majuma makumi saba ya Danieli. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Nous continuerons dimanche. Tutaendelea tena mshuko wa juma. Si cela est la volonté du Seigneur. Kama ile ni mapenzi ya Bwana. Levons-nous. Tutasimama. Pour la prière. Ya kuomba. Le temps de lire les écritures viendra. Wakati ya kusoma maandiko itafika. Ah. Et nous les lirons. Na tutaisoma. Pour voir tout ce que nous expliquons ici. Éclairer d'autres points. Prions.